À quelle heure se dit à qué hora? À quelle heure? À qué hora? Alors, à quelle heure pouvez-vous m'appeler? À qué hora puede? Attention à la position de la syllabe accentuée. Hein? À qué hora puede? Voilà, c'est ça. À qué hora puede m'appeler? Llamarme. C'est ça. À qué hora puede llamarme? Et je vais vous appeler. Se dira? Voy a llamarle. Bien. Voy a llamarle. Voy a llamarle. Donc, je vais, je m'apprête à, c'est voy a. Pour dire vous allez, hein, vous, usted, vous direz va. V-A. Va. Et donc, vous allez, vous vous apprêtez à, c'est va a. V-A suivi de a. Va a. Et là encore, à l'oral, on le prononce d'une traite. On ne dit pas ba a, mais ba. C'est un peu comme un mouton qui fait b. Alors c'est ba, hein, ba, qui veut dire vous allez, vous vous apprêtez à. Alors, à quelle heure allez-vous m'appeler? À quelle hora? D'accord. À quelle hora allez-vous m'appeler? Ba llamar. Ba. Ba. Non, pas seulement ba. Hein? Il vous faut prolonger le son, hein, comme le mouton. Ba. Ba. Hein? Ba. Voilà. Hein? Ba. Ba. Encore une fois. Alors, reprenons notre phrase. À quelle heure? À quelle hora? À quelle hora? Ba. D'accord. Ba, hein, m'appeler. Llamarme. Bien. A qué hora va a llamarme? Ba, ba, hein, vous allez, c'est-à-dire vous vous apprêtez à. À quelle heure allez-vous venir ici ce soir? A qué hora? A qué hora allez-vous venir? Ba. Encore? Ba. Parfait. Ba. Venir? Venir? Ici. A qui? Ce soir. Esta noche. C'est ça. A qué hora va a venir? Va a venir. A qué hora va a venir aquí esta noche? Et où est-ce que vous allez manger plus tard? Où? Donde? Donde? Donde? Allez-vous manger? Ba. Manger? Comer? Tout à fait, c'est ça. Comer, plus tard. Más tarde? Más tarde. Más tarde. Oui, donc encore une fois, plus tard, c'est más. Más tarde. Oui. Donc, encore une fois, plus tard, c'est más. Más tarde. D'accord. Donc, donde, où, va a comer, allez-vous manger, más tarde, plus tard. Et à quelle heure allez-vous être ici? À quelle hora allez-vous être ici? Ba estar aquí. D'accord. À quelle heure, à quelle hora allez-vous, ba, allez-vous être ici? Ba estar aquí. À quelle hora va estar aquí?